Siget nunc de la musique et des mots. Siget nunc, performance sonore, tous les premiers et troisièmes vendredis du mois, de 21h à 22h, sur Radio Alma 101.9 FM. Bonsoir et bienvenue à Siget nunc, la poésie ici et maintenant. Benjamin Potel en régie et aux instruments, moi-même au micro, et puis plein de surprises, genre Rafi qui va nous jouer et parler pour nous. Le thème, donc nous nous retrouvons aujourd'hui en fait pour la première fois dans ce 2010, un 2010 qui a l'air tout projeté vers l'avenir, mais nous, pour cette première émission, on se penche plutôt sur le passé. Ou plus que vers le passé, on se penche sur la question du temps même. Du temps et de l'écriture. Verba volant, scripta manent, tel est le titre de notre émission, suivi par un point d'interrogation. Les paroles s'envolent, les écrits restent, signifie cette locution latine, toujours assez populaire. Et alors l'écriture serait un pont du temps, dans le bien et dans le mal. Quelque chose d'écrit est dangereux, car ça laisse des traces. Et au contraire, ne pas fixer par écrit quelque chose peut être tout aussi dangereux, car très aléatoire, exposé à l'action du temps. Tout naît du temps et de la mémoire qui, elle, trahit, qui trompe. L'idée est que le temps, en passant sur les choses ou sur les idées, les transforme. Cette transformation fait peur. Le titre de l'émission d'aujourd'hui, ainsi que le nom de ces séries d'émissions Hic et Nunc, en étant en latin, suggère la perception du temps qui passe. Le latin est aujourd'hui une langue morte, une langue qui rappelle inévitablement le passé. Pourtant, le latin est aussi une espèce de pont, ou l'a été. Pendant longtemps, en tant que lingua franca, le latin a aidé la communication entre des érudits qui ne se seraient pas compris autrement. C'était donc un pont dans l'espace, outre qu'un pont dans le temps, qui donnait accès aux auteurs classiques. Nous avons donc aujourd'hui deux invités en studio. Le premier, je vous le présente tout de suite, c'est Rafi. Bonjour Rafi. Bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que tu veux parler par les mots ou par la musique d'abord ? Par les mots, déjà. Alors voilà, bon, j'ai été convié à cette petite réunion il n'y a pas plus d'une heure. Et ça me fait bien sûr très plaisir. Bien entendu aussi, j'ai réfléchi au sens de cette performance, parce qu'on peut appeler ça comme ça. Donc je vais en profiter pour présenter les groupes dont je fais partie. Le premier s'appelle Les Bipèdes, c'est un groupe de rock. On sort notre premier album fin mars et on jouera à la Ferme Rose pour présenter ce même album le 2 avril. Donc je vais commencer par chanter une chanson de ce groupe qui s'appelle Marine, en espérant que mes musiciens ne m'en veulent pas trop. D'ailleurs je pense qu'ils m'écoutent. Je les salue bien fort, Yann, Christian et Andrew. Donc la première chanson s'appellera Marine. Et pour mon projet personnel qui s'appelle Rafi, et ma fidèle violoniste qui malheureusement n'a pas pu être là, Marie van der Elst, je vais chanter une autre chanson qui s'appelle... je sais pas encore, on verra bien à ce moment-là. Donc là je vais commencer par une chanson des Bipèdes qui s'appelle Marine en acoustique, bien sûr. Elle ne se fait pas forcément en acoustique. D'accord, merci. À toi le micro. C'est que c'est pour le crayon sous ses yeux bleus de mer marine se noircit alors qu'à peine d'or clignent les lumières et quand se fendent ses lèvres en l'échancrure de mille lunes que file le pinceau d'émail en déployer ses flammes marines s'embaument du détail à en faire tournoyer les étoiles du soir. Alors les âmes tremblent et déjà tous l'attendent. Ce regard noir. Et là les hommes tremblent et déjà tous prétendent à ce rouge flamboyant. Ces traits de minuit s'affinent, qu'une plume navigue en une mer bleu marine. Ce qui fascine pas tant ce visage d'écume que cette grâce qui s'anime, étendue, délicate. Et s'il fallait que ces flots en un méandre s'effacent, en un banc de corail, l'intensité et le vitrail que l'on découvre pas, mais qui se présente à nous, fort de ses reflets, de son éclat, et qui sait. Son image d'épinal. Dès lors les âmes tremblent et déjà tous l'attendent. Ce regard noir. Dès lors les âmes tremblent et déjà tous l'attendent. Sa bouche flamboyante. Merci beaucoup. Donc normalement, Rafi, cette chanson, elle est jouée par combien de gens ? Par 4 personnes, un bassiste, un batteur, un guitariste et un chanteur. Donc tu nous as fait une bonne synthèse ici. Je nous ai fait une espèce de synthèse du morceau. C'est très chouette, merci. Voilà. Mais bon, la prochaine fois, vous allez inviter les bipèdes, ce sera un peu, bon, la logistique sera autrement. Ça autrement, oui, parce qu'ici, vous devez vous imaginer que notre studio est quand même assez petit. Donc ce soir à 4, ça ira, mais avec tous les bipèdes, ça va être difficile. Donc, je propose, Benjamin, est-ce que tu as déjà dit bonjour à notre auditoire ? Non, je n'ai pas encore dit bonjour à notre auditoire. Bonjour, auditoire. La voix invisible de Benjamin. Donc, je propose qu'on passe le texte Dialogue et Tchéki, qui est aussi un texte sur le temps, sur l'écriture, sur comment l'écriture peut fixer quelque chose malgré le temps qui passe. Fissare pensieri sulla carta, incidere contro il tempo, più veloce dell'attimo che porta in sé, traditore, il vuoto eterno e gravido del nulla. Arare pagine come pensieri, arare pensieri come pagine, arare pagine come pensieri che prendono forma sotto i miopi occhi della mia mente. Lentamente li scandisco prima di perderli nel crogiolo della memoria. Strati di esperienza penetrano la mia pelle fino alle viscere profonde, al marciume delle mie paure che rigurgito in ogni no. No. No. Non sento le tue suppliche. Mormorare chiacchierate con voce di messa, non percepisco i sussulti dei tuoi singhiozzi, non vedo l'umanità del tuo sguardo finino, il frammento di orgoglio che resiste all'animalesca miseria. No, no, non ti ascolterò. Et voilà, donc Rafi nous a promis une deuxième chanson. Alors, je ne sais pas du tout, qu'est-ce que tu voudrais nous faire ? Bah écoute, vu les circonstances et vu ma première publicité de cet ordre, et qui j'espère ne sera pas néfaste ensuite à quelques souvenirs que ça pourra me laisser. Bref, je vais en profiter pour vous faire les corneilles. Alors, pour ceux qui m'entendent, ils savent de quoi il s'agit. Vous, pas encore. Ah oui, une dernière chose. J'espère que vous pourrez peut-être, si les auditeurs... Si ça peut intéresser les auditeurs, faire écouter notre disque quand il sera sorti. Ça pourrait être merveilleux. Radio Alma... Ce serait incroyable de faire ça. Ce sera donc, avec plaisir. Je vais vous chanter une poésie, en fait, au fond. Il faut parler dans le micro ? Voilà, je vais parler dans le micro. Ouh, est-ce que le micro m'entend ? Je crois que oui. Le micro t'entend. Est-ce qu'on entend la guitare ? C'est merveilleux. Alors, je vais vous présenter les corneilles. Donc, Rafi et ses guitares. La feuille noire, et nous sommes blancs comme des corneilles. La feuille noire, et nous croissons comme le rapace. Le crépuscule allait à la faveur sauvage dans le sillage du clair de lune, chantait le corps du Verdon. Au large, les plaines se mettaient à courir, mais maintenant les berges planent, se hissent en délire, et les rivages plongent. La mer se foudroie, les feux, les corbeaux, car nos croissants. Le décor bouscule les lueurs sauvages. En un mirage, l'éclair de brume illumine le Verdon égorgé. Au lâche, les plaintes se mettent à feindre que le berger phare est un épouvantail. Et le rivage plonge, le ciel en est l'entraille, et nous sommes des corbeaux, car nous croissons. Merci beaucoup. Merci. Donc, il s'appelait Les Corneilles, c'est ça ? Ça s'appelle Les Corneilles. Et le groupe, ce fois-ci, c'est dans quel projet ? C'est Rafi. Rafi. Okay. Ce sont mes chansons. C'est plus une poésie qu'une chanson. Tu vas nous présenter toutes des chansons de Raffi. Non, ça, on ne sait pas. En fait. Ah, je peux vous présenter ça, des chansons de Isidore et de plein de gens, mais ce ne sera pas les chansons des autres, en tout cas. C'est pas, oui, d'accord. Donc, pour le rappeler, en fait, le MySpace, où on peut écouter des projets dont auxquels tu participes, c'est MySpace Les Bipèdes et le MySpace Raffi Isidore, donc R-A-F-F-I Isidore. Donc, ça. Avec un S. Isidore. Avec un S, voilà. Merci beaucoup. Donc, on retourne à notre sujet de ce soir, donc Verba volant scriptaman en temps, écriture, mémoire, ici à Iketnunk, sur Radio Alma 101.9. Et donc, par rapport au temps, écriture, mémoire, bah, le temps, c'est quelque chose qui est très, un sujet très ample et très philosophique, mais aussi très pragmatiquement bête et quotidien. Donc, au jour le jour, on a le problème de ne pas avoir assez de temps. Et sur cela, on va entendre un texte de notre ami Antonio Bartoli, lu par Pierre Guéry, à Québec l'année passée, en fait. Pierre Guéry qui a d'ailleurs traduit lui-même ce texte en français. Voilà, parce que le texte original est écrit en plusieurs langues, dont l'italien, l'espagnol et le français. Et si nous aurions une version plus soft, plus délicate et aussi franco-française. Alors, ce texte était enregistré en version live, donc on va vérifier que ça puisse bien passer. Benjamin, qu'est-ce que tu dis? On le passe après? Oui, puisque je pense que c'est une version live au carré, je dirais. Live au carré. Alors, ouais. On le renvoie à plus tard. Et on passe plutôt de la musique, alors? Passons à la musique, mais en même temps, si on n'entend pas Pierre, moi j'aurais bien tendu l'oreille d'abord à quelques mots que tu aurais pu dire, un jour ou l'autre, dans une vie passée ou dans une vie présente. Tu veux pas que je fasse le texte qu'on a passé en enregistrement en dialogue aveugle? Je peux le faire en version française pour ceux qui n'auraient pas compris l'italien, par exemple. Tout à fait. D'accord. Tu vas m'aider? Je veux bien proposer à notre ami guitariste de... Raffi de m'accompagner. Ouais. Je ne sais pas donc si tu sais, dans les soirées trop poétiques nomades... Oui, vous êtes maelstrom. Ouais, et donc la coutume souvent est d'accompagner les poètes avec un peu de musique. Et comme je te vois avec une guitare, je pense que c'est une bonne idée. Ok. D'accord, donc c'est un essai. Live en radio. Pour la première fois, Raffi rencontre la troupe poétique nomade. Eh bien... on va voir qu'est-ce que ça donne. Oui. Donc, mon texte s'appelle « Dialogue aveugle ». On a passé avant l'enregistrement de sa version italienne. Ici, c'est un essai de traduction. Page. Fixer les pensées sur papier, graver contre le temps, plus rapide que l'instant. Porteur du vide et de l'éternel rien. Labourer des pages comme des pensées, labourer des pensées comme des pages qui prennent forme sous les yeux myopes de mon esprit. Coule l'encre contre le temps, des pages qui prennent forme sous les yeux myopes de mon esprit. Coule l'encre contre le temps. Lentement, je les articule avant de les laisser couler dans le creuset de la mémoire. Coule l'encre contre le temps, coule l'encre contre le temps. des couches d'expérience pénètrent sous ma peau, jusqu'aux viscères profondes, aux peurs pourries qui ressortissent dans chacun de mes noms. Non, non, je n'entends pas tes supplications, murmurées au bout de souffle. Je ne perçois pas tes sanglots, je ne vois pas l'humanité dans ton regard animal. Fragment d'orgueil qui résiste à la misère. Coule l'encre contre le temps. Coule l'encre contre le temps. Fixer les pensées sur papier gravé contre le temps plus rapide que l'instant. Fissare i pensieri sulla carta. Incidere contro il tempo più veloce dell'attimo che porta in sé. Traditore, il vuoto eterno e gravido del nulla. Arare pagine come pensieri. Arare pensieri come penetrano la mia pelle fino alle viscere profonde, al marciume delle mie paure che rigurgito in ogni... No, no, non sento le tue suppliche mormorate con voce dimessa, non percepisco i tuoi singhiozzi, non vedo l'umanità nel tuo sguardo felino, il frammento di orgoglio che resiste all'animalesca miseria. No, no, non ti ascolterò. Tu enchaînes avec ta chanson? Jean, je vais enlever ce satané casque. D'accord. Puisqu'ici les verrous au manteau s'étaient empaillés, les portes de bois et de PVC ont été étalées dans les ruelles mouillées pour que les gars aux pieds nus puissent marcher sans glisser et entrer sans frapper le velours dans l'allée F pour accueillir l'étranger. L'étranger sans parcours dans son étrange nudité, cette étrange nuée sans contour dénuée de tout. Et nu, nu à ce mur en tout, il aura tout, tout mon étranger, de tout il pourra me déposséder. Pour qu'à mon tour, je puisse me muer en une étrange nuée. Ouais, qu'il est drôle, qu'il est drôle, cet étranger, qu'il est drôle, qu'il est drôle à me parler. Et de tout. Hey, hey, qu'il est drôle, hey, qu'il est drôle, qu'il est drôle, qu'il est drôle, cet étranger à me parler de tout. De tout, des somptueuses ruptures, des symphonies aux ruptures, de l'or, de l'or. De tout, de lien à tuer, Donc le nom du morceau ? L'étranger. L'étranger. Oui, il y a quelques paroles qui sont évadées en chemin, mais c'est de bonne guerre. Très bien. Donc, il y a un étranger qui a débarqué dans notre studio, mais je vais lui faire prendre du souffle d'abord. Un en lisant d'étrange jeté. Un petit extrait entre temps et en offrant de l'eau, peut-être, s'il veut bien. Donc, moi, je voulais lire ça, c'est un extrait du livre de Paul Ricoeur, La mémoire, l'histoire, l'oubli. C'est un passage assez drôle, je trouve, parce que ça décrit un monument. Donc, en un lieu choisi de la bibliothèque du monastère s'élance une superbe sculpture baroque. C'est la figure double de l'histoire. À l'avant, Chronos, le dieu ailé. C'est un vieillard au front saint. La main gauche agrippe un grand livre duquel la droite tente d'arracher un feuillet. À l'arrière et en surplomb, l'histoire même. Le regard est sérieux et scrutateur. Un pied renverse une corne d'abondance, d'où s'échappe une pluie d'or et d'argent, signe d'instabilité. La main gauche arrête le geste du dieu, tandis que la droite exhibe les instruments de l'histoire, le livre, l'encrier, le stylet. Donc on a un plan dans notre thème, temps, écriture, histoire, mémoire, verba volant scriptamanent. Et donc sur ce sujet, on a pensé d'inviter un bipède assez insolite, et vous l'entendrez vous-même, nous aidera à affronter ce thème avec la nécessaire lucidité, peut-être, mais sans doute aussi avec un point de vue un peu extravagant, peut-être. Rien n'est garanti, en fait, à Iketnunk, Radio Alma. Donc sur ça, je donne la bienvenue à Zour. Bonjour. Cet étranger extraterrestre qui a débarqué chez nous. Chronos a recraché ses enfants. Oui, et en fait, pour que ça ne soit pas une conversation seulement entre nous quatre, il faut bien rester devant le micro, comme ça tous les autres vont nous entendre aussi. Et est-ce que tu veux nous dire d'où tu viens, qui tu es, où tu vas ? Bonjour. Oui. J'ai couru. Donc tu sais sûrement d'où tu viens. Je viens d'un tram qui a pris son temps. Et le temps a recraché ses enfants comme ce papier recrache ses propres écrits. Donc plutôt que dire d'où je viens, où je vais, je, trop plein de je. Trop plein d'humains. Il s'agite bien d'une vraie guerre, à partir de laquelle, justement, nous essaierons de crier, d'excrier des moqueries qui ne disent point le jeu, justement, qui disent point de suspension, au sens des points de suspension. Il y a de là du vide à partir du jeu. Et du point de suspension, parce qu'il n'y a jamais d'arrêt, il n'y a que du mouvement, il n'y a que de la translation. Donc peut-être que je vais commencer à lire ces choses, à translire ces choses, si vous me le permettez, comme dirait l'autre. L'autre est plus que d'accord. Non, pas du tout. Tu ne comptes pas. Je pensais être l'autre. Dans mon éclatement. Sommes tous l'autre. Bon ben voilà, si c'est comme ça. L'homme doit éviter de représenter l'homme. Il n'est pas fait pour ça. Homme est aujourd'hui un mot mécanique et vide. Une idole. Une coquille morte dans l'esprit. Anthropolâtrie partout. Et vénéré partout, l'homme fait de main d'homme. Nous voulons retrouver l'homme identique au modèle que nous venons de forger de nos mains. De nos mains. Où l'infra, le sub, le prix, le sub, le... tous mes pas, s'est embarqué de la première heure en alpha pointillé. Ses membres surfant, me voici de voici de mon voilà. Et il fit la queue, montant vertical, et il fit la queue, de l'au-delà de l'au-delà. Des flocons de sable dans l'anus solaire du président Clubbing. Il fit fi de son fief car cadenas et chiffres en chiffon. Serein. Je gère, assis en commande tactile. Ce rien, j'opère que ce délit de voile tactique. Et il dit que le voir ne se montrera pas. Ah ah ! Présage d'étoiles estoplasmiques, mammifère le langage qui de lui-même procrée, à défaut qu'il faut de créer un oui dansant. Be yourself. La nature, c'est trop bien. Il cligna de ses trois yeux dans le désert du croissant. Infertile, lettres avachies, à l'oreille délicieuse de son liquide marre, farce murmurée, face au mur effacé. Pourquoi à la dérive regarder passer le train ? Qu'y a-t-il à l'intérieur du terroir Diogène ? Mon âme scatologique a-t-elle encore des ressources non humaines ? Dans ses artères délabrées, bruissement de rumeurs, écart absolu. Ni garrot, ni transfusion. L'hémorragie de son sens ronge les amarres du monde. Le départ des rondes, évidage, une spire, retrait, entrée, tire un trait sur les mirages, digue le bruit des vagues. Foyer de déploiement. Une descente dans le maelstrom. Celui qui ne saute pas finira déchiqueté. Corps plurivers. Onde, onde, dondi, mnésique, figure, fêlure, fluide, fuite, vitesse, chute, émigration, anarchie couronnée, sortie glacée du sujet, du subjet ronronnant, passé, placé, lassé, là, lacéré, serré. Morsure d'ange, doublures et balafres, cristallines, coupures flux, brancardées, dans le noir, distille, suc, pensée, pensée, panacée, déchancrure collée sur tissu. Rôde autour du pic fossile, difficile envolé, serre dans son étreinte feinte les débuts médusés des pourtours des armées, des bulles butées de nous savons Homo sapiens. Libellules affriolantes d'où brûle la lumière et promettent toujours de nouveaux dés. Janus prit une tête pour une autre et divisa les devises bifaces, tremplin de trous, vivant comme si. Il y avait un silex qui sortait des fondements. Donc, moi égale moi ! Truisme du régime. Touristes anthropes et opérations portes ouvertes, dans la torture des féeries cordicopolis, désodorisés, juvinophiles et cannibalisme philanthropique. Trop de hic, pas de panique, pas de pique ! Consensus, circus, ou vaseline de l'ego. Outruisme de l'ego, version noterie, nursery, fraternité en rose, maquillage des névroses, récréatique, dans la colonie distractionnaire. Allégée, sucrée, rétrécissée, ratatinée, abrégée, réduite, contractée, amaigrie, danifiée, condensée, exténuée, décharnée, alignée, épurée, litotée, euphémisée, édulcorée, atrophiée, culpabilisée, tempérée, domestiquée, neutralisée, inhibée, colorée, purifiée, ternie, épuisée, volatilisée, volatilisée, ventilisée. In vitro veritas. Purification éthique. Et chatoiement. Filet. Et châtiment. Circuler. Il n'y a rien à croire. Tout de rien s'affaire en se faisant une poule aux yeux cyclopes. Rouen en os et en « Cher monsieur, comment allez-vous ? Il fait beau, n'est-ce pas ? Et il n'y a plus de saison ?» Il s'acclimata de l'atmosphère groin. Pitié pour la viande, de tranchées en tranchées, petits pas succulents, jugulant son suc écarlate, de grands écarts en grands écarts, sportifs et éclairés, butant sur les néons, remplis de seaux d'un seau. Hop ! Il subsume que le mécanisme est et sera, car il ne fut point absent de son phytal fissurant les sous-fils du roi soleil. Lové, dans la courbe éphémère, sigit, outre barrière, des sons, ces gîtes en fumée, meurtris tournoyants, à l'envers de la girouette, en Z, Big Bang, paf, répertoire et statistique romantique, roman quitte, toutefois, vibre, À nos oisons tressaillant à l'ombre d'eux, leur trésor maculé de compositions infernales, à l'aube de tout, des parties calcines, des morceaux de vent livrés à sec, de l'indicible masque sommeillant dans la foudre, de millésimes en zéro, se couchant en riant, la face peinte entre le entre, ce front grésillant entre deux échancrures. Langage et gargarisme. En isme barbare, se délabre en zévolution. Je vole, tu voles, nos violons frivoles, l'humaine condition de diction conditionnée. Le dicton dit ce qu'un homme nomme, nommait jamais son propre nom. Traduction, traduction, traductilation, s'appelle sapiens, tapis dans l'oubli de sa postérieure sous laquelle il s'assied, avec ses yeux, clignotant, crevé, fatigué. Penseur de lettres, sacré, sacré, sacré, âme le texte de la vie, sacrisse, sur le tableau en ciel, diffraction du le, univance, des modulations du plurivers, ou le vers du versatile, titille les nerfs, des fous de la nef, crée les nervures du la de la feuille, des larves bouffant, la forme maison, bouffée d'air frais, vent d'éloquence, qui danse, qui transe, qui lance, démocratie. Qui scie le roc, démocratie, qui scie le roc, et non des bêtes, ou trop humaines, viennent se loger, immunitaires. Les six voltiges électrifiés sous la soucoupe territoriale. Sécession. Scission. Cessation. Retournement. Rotation. Tournoiement. Vibre-temps. Claquement. Crissement. Craquement. Crépitement, explosion, explosion, exposition. De moi, nous, Icar, Tulk, vous, donc, ils sont chauds, pourquoi je. Retournement. Pensée comète. Court-circuit. Retournement. Pensée comète. Court-circuit. Nourri de patchwork, des manteaux arlequins. Retournement. Travaillant en sous-main. Marine. Ils apportent leurs plumes pour écrire un mot. Mot. Technique moment, en ne liant que du délié, déliré, n'enchaînant que du déchaîné, ne charriant que du déchiré, ne se reproduisant qu'en se transformant, alliances en miettes coulantes, en débit erré singulier, aux antipodes de la représentation, de la représentation, de la représentation, de la représentation, de la représentation, de la sortie de la religion, de la sortie de la religion, de la sortie de. Glisse, tisse, s'étreigne, s'immisce, sévisse, des girouettes creusées de 13 lèzes minestées, rusées. Dans le giron de la ruche à air pulsée, fille de rien s'entrelaçant là, si on bande les arcs amolis de tic-tac. Exposition, explosion, explosition, rapte division, vision sentiment, antiprovision, voltante, volante, électrifiée, acmé phrénique, toute l'âme s'y meut, s'y émeut, et passe de son feu ardent. L'homme n'a pas encore été capturé, alors ? Alors ? Perspectiva, égale. Égale ! Vue traversante. L'émotion traversée du temps par la houle de l'acteur bleu, par la gigue tempête tumultueuse dont il ne reste rien. Les œufs de bois sont encore, allés se cacher dans l'éventail. L'action est funambulaire, vers une linéarité zigzagante, des blocs irréguliers non encore pensés, les faisceaux ouverts de couleurs finissent dans tes mains pour ensuite les traverser maintenant, et riche fumée de la vie en utile bioscope. Voici, ce n'est pas son simple chimique énoncé, le plus simple comme l'anti-anthropopodule aphone et anacosmique successué. Le verbe est volant, il y a rapte dans la pensée par souffre de l'esprit-corps. Le langage nous montre la beauté de l'espace. Mots poussés, nous crions oui. Oui ! Aux tracés antagonistes, ascension contrastée, chute papillonnante, diagonale du soi qui s'effondre sous nos pieds parlants. Adam vers par les vertigineux, toi et nos compagnons en symphonie rétroactive. Projectiles, trajectoires ondulées, zèbres et fulgures, ensemencement d'autres, rayonnent d'eux et s'étoilent de lumière. Je peux peut-être faire une implosion. Une plosition, une pause, qui ne soit pas une pause. Une pause de voix. Et je m'excuse pour le retard absolument inélégant. On a bien passé notre temps. Je crois qu'on a passé un bon temps. On a bien connu ton ami Rafi, d'ailleurs. Nous ne sommes pas amis, je n'ai jamais rencontré ce garçon. Et il m'a appelé tantôt. Ah, c'était une excuse en fait. Tu es arrivé à la radio en disant que c'était lui qui t'avait invité. Alors, puisque t'es là, on va bien profiter de ta présence. Vous voulez que je fasse une chanson? Oui, on voudrait bien. Je crois qu'on est tous d'accord. Bon, je vais faire une chanson que je pense tout le monde peut chanter à un moment ou l'autre. Voilà, donc je compte sur le contre. Est-ce que j'en aurai d'autres après? Parce que dans ces circonstances, je réfléchis à l'ordre. Je crois que non, parce qu'on a très peu de temps qui reste. Ok. Ça change tout. Mais tu reviendras quand tu voudras. Mais c'est la fête du bipède. Hein. C'est comme ça que cette chanson s'appelle. C'est la fête du bipède. Les hommes rient et ils pleurent. C'est la fête du bipède qui dort béat sur un faux et armé les yeux ouverts. C'est la faute à quiconque que quelconque soit absent ce soir. C'est la fête du bipède et qui dans ses rit. Qui danse et rit dans son trou noir. C'est la fête du bipède. On mange bio dans sa nouvelle voiture. En route pour l'aventure du Club Med. Et le Club Med, c'est bien. Ça change du travail et du quotidien. C'est la fête du bipède dans une maison écologique. Le compost idéologique fait diminuer la facture débiture de culpabilité. Un cachet pour l'apnée, un cachet pour les menottes, un cachet pour le passé, un cachet pour l'avenir, un cachet pour la santé, un cachet pour la santé, allez, santé aux bipèdes, malades, enfermés dans les murs blancs. L'important, c'est d'occulter ce qui rappelle qu'un jour, le bipède sera périmé. C'est la fête du bipède, libéré sexuellement. 68 la délivrée à coups de partout dans les champs. Et maintenant les champs font place à la souris qui clique dans la toile sur une nouvelle fille. Chaque jour plus aplatie et téléchargeable dans un dossier nommé mon amour. Et faire l'amour avec passion, c'est éviter de croiser les yeux de celles qu'on emmène avec qui on change de position. Pour prouver que nous aussi on est des stars du porno. Docteur, je n'arrive plus à les abonder. Docteur, les filles me font peur. Docteur, je crois que je suis pédé. Docteur, je crois que je suis impuissant. Docteur, je vous en prie, aidez-moi. Docteur, je vous supplie, conseillez-moi. Allez, docteur, s'il vous plaît, prescrivez-moi du Viagra. Voilà, alors normalement cette chanson fait à peu près 8 minutes, donc je vous épargne la suite pour que les retardataires puissent continuer à chanter leur poésie. C'est de sa faute, hein, qu'il culpabilise, qu'il intra-culpabilise, qu'il devienne cette espèce de... d'humain culpabilisé. En fait, le texte que tu lisais, c'était de ton compact? C'était un extrait de ton compact? Absolument. Donc c'est Négantropique. C'est Négantropique qui répond au doux nom commercial de Négantropique. Hein? Dezur. Dezur entre ou parenthèses. Dezur. Il y a plusieurs versions. Hein. On peut l'appeler Z aussi parfois. Rose. C'est à double tranchant, hein, parce que plus on essaye de s'effacer, hein, derrière ou à travers la nomination, plus... ça peut être vu comme une marque d'orgueil ou comme une monstration encore plus ostentatoire que ce qu'on essaie de cacher. Donc, j'ai eu des problèmes à trouver des informations sur toi. Ouais, alors c'est un peu, c'est comme des... J'ai fait des recherches sur Internet et c'était un peu comme des... Comment on dit ça? Des jeux de mots où on doit parfois invertir les lettres, par exemple, pour trouver des pistes ou des choses comme ça. Il y a Rose aussi, oui. Rose, cette trace amène à toi quand même, d'une façon ou de l'autre. Il y a un Nicolas Urstrassen qui est commercial chez Nike en Chine. Voilà, les balises sont brouillées d'emblée. Très bien. Après, il y a pas, voilà. C'est... Certains êtres utilisent leur nomination génitrice, prénom, nom, tel qu'il est marqué dans les cadastres administratifs, pour justement se cacher d'autant mieux. Ça arrive aussi. Et ça peut être une magnifique technique pour justement disparaître. Parce qu'on aspire quelque part à disparaître de cette façon-là, pour justement apparaître de façon intensive et non représentative. Via la nomination qui peuvent nous castrer, nous atrophier. Il y a différentes techniques à partir de là. Voilà. Chacun se débrouille. Pour ma part, j'essaye de disparaître via, évidemment, la prolifération de noms. C'est plus ou moins réussi. On ne sait pas, on ne saura jamais. D'accord. Mais tu as dû donner un titre à ton compact qui est paru chez Maelstrom Révolution, qui a un nom aussi comme maison d'édition. Oui, Maelstrom, de nouveau, c'est un nom pour décrire l'indicible aussi, l'innommable. Hein. Qu'est-ce qu'un Maelstrom? D'ailleurs, ça change de nom aussi, ça change de projet, ou alors ça change de projet. Ce n'est pas une troupe poétique nomade, oui. Est-ce qu'on peut entendre encore quelques mots de toi? Parce que, en fait, Benjamin va nous donner le countdown vers la fin de l'émission. J'aurais besoin juste de quelques minutes pour clôturer, mais c'est vraiment une minute ou deux. Tu me dis stop. Donc sinon, d'ici là, je te laisse le micro. J'espère que d'entendre des extraits à l'auteur de ceux d'avant. Ce n'était pas une menace. Je n'ai plus que 56 pages et demie. Très bien. De toute façon, le temps est relatif, alors. Comprendre l'infect. Désaffecté, désaffectionné, infecté, affaissement, affalement, infamant, l'inflammant affection d'affichage, fichage, flicage, à l'affût affriolant de notre corps perspective, impulsion, pulsion, pulsio, pulsion, chaos de solipsisme. Les mondes n'ont pas malgré nous, ni par nous, ni avec nous, avec, évitant les nœuds que, et la cause est faite, par, et vaine mouvement. Intégration et découplage, tourbillon, façage et déphasage, dynamiques et provisoires, déplace vitesse, informe, feintes et contre-feintes, bluff, masque, jeux actes, théâtre des opérations, multiplie joie, prolixifère action, j'ai, bouillie informément, flutorant, infinie particule, délire des désirs, danse trans, lance variation, inventiforce, défaire la création, cascade bip bip et silence. Lueur, on tourne sur la crête de la vague, comme des éclats voltigent dans son sillage actuel. Balancement d'engrenage sous les larves de la page, métastable, on surnage d'images de marge, trémolo attentif, en attente pensif, soutira de son blême, puceron abrasif, balistique mélasse, hameçon passif, en attente de l'attente d'armes corrosives, cœur à vif téléphage, sédatif à rimage, à ce qui est mandataire, de l'aumône marre d'hommes postillonne des éclats, de trépas prémâchés, rabâchés sous sa bâche, de dit immaculé, sécrétion écroulée. Excusez, sachez que toujours frigorifié, avant toute exclamation d'un choc coagulé, rate le brasier en ne t'en voudra point, à la ligne pêchée, proscrite hypocrite, critère solide, presbytère sommité. Homo, humi, uni, mono, in ex in, ou l'appareil de capture, armure et point de suture. Ne peine-t-il point l'homme à l'image de l'homme, celui qui imite, extrait, dissout, absorbe, intègre, adopte, adapte, évite, capture, tout de non-immunité, parachever les machines pesantes, pensantes, nomos pneumaticos, l'homme a tourné en charpie, thanatocratie, orbiculaire, univers, prépotent, tassement de fumigation chimérique, ou grumeaux avariés, dans l'atmosphère gélatineuse des bornes sur le bûcher, ou cadre des vossieux, salto vital, hors lieu là. Mais, scissionniste dégagé, hors lieu là, propulsé dehors, sa présence sera suspendue, déchiquetée, entre tout sa commence et son mur d'objets, des arts, tôt ou tard, fendront la masse, mots et images, finalement, hallucination simple, la sodomie divine s'est trompée de côté du vivre. Ainsi, l'ivresse toxique se distille, se vaporise, ainsi le souabe se survole, et de cet écoulement le liquide exhalé, mourut, renaquit, et le détour devint l'accès. Un écart qui ment la vérité, la vérité, et ne prétend plus soulever l'armoire de ses yeux imbibés de reducto absurdum, si l'omnitude n'est, mis à bas, le grand objet intérieur, le grand zéro, le grand papa, personne ne trépasse. La banquise en déjeune ce serait par traîtrise fidèle à ceux qui nous font. Ainsi font les odieuses allumettes, chauffons les dés de l'avenir, et derrière le rideau blanc, toujours, d'autres étoffes, prismes, une explosion de chromatique. Ce qui tombe encore, on doit le pousser, disait Z. À 90 degrés de longitude, il fit le coin, inséré, en droit angle, pris peu à peu de l'altitude, réveillé, en l'air, au seuil d'une solitude exquintée, une rafale glacée s'érigea en stature, les enfants tentèrent de fondre le gel et de tondre le ciel. Menace, ex, fuite, possible, in, etc. Crucifixion d'une histoire cohérente et organisée. Le passage lactant du sens, du senti, transformé par les mains de l'œil et leur circuit où le moment se retrouve, soit l'expérience, ex. Quise, s'exclame de l'existence extériorisée et exchangée qui s'exprime et s'expose en s'exhalant, en s'exaltant, en s'exhumant et en s'exappropriant ce qui l'expire. Les points sont déterminés par le trajet, le transjet. Cogner, c'est un jeu de dépistage balançant la fermeture du cercle qui permet l'ouverture de la quadrature. La représentation qui le définit ne peut plus supporter cette jouissance incalculable. Aventure, premier jour, permutant, illimité contrepoint de vue musicale, pulse le renouveau, les postes et les couleurs. Il ne possède que des distances, fines, allemand. Archipel, fragmentaire, à rebrousse-poil, temps capillaire, action du futur à contre-temps, conjuration, anticipation, traverse le secret du territoire, le bruit, hach, saut sonore. Au sein des forces menaçantes. C'était un point de suspension. Par exemple. Je voudrais juste pointiller qu'il y a de nouvelles perspectives à travers la peau trouée. Que le combattant a avalé le champ de bataille et que l'ennemi s'est intégré au tissu. Une certaine radicalité est de mise. La pensacte poélytique est capable de radicalité, par infinition, ou est insignifiante. L'exemplarité risquée, l'endurance de la porie, l'exercice de la contrariété et de l'implausibilité. L'autre cap est celui du sans-retour, où en est le combat du monde et de la terre. Dimension d'immanence voilée, attention, vitale direction, nous frappants, absorbés, rétention, non choisie d'une matière, engendrée, protension, infiniment diluée, triturée, contractée, vibration, des sources, tension, ou l'inversion que devinent des temps de chargée, infusion, des griffes de soi, convulsion, convolution, de ces fils qui nous lient à la tonalité infime des choses, tous en se déropant sous nos pieds parlants, attraction, marche bipède dans la brume rapteuse, infrapénétration. Ou alors, ça ne vaut pas la peine de vivre. Il est précisément 22h. Et voilà, il est précisément 22h. C'est très bien. Donc, le temps nous joue des jeux dont on ne peut pas toujours décider. À peu de choses près. Donc, je suis quand même contente qu'on ait pu entendre encore quelque chose de sénégantropique. Et est-ce que tu seras là au festival ? J'espère. Très bien. Donc, au festival, il y aura aussi Pierre Guéry, qu'on a essayé d'entendre en enregistrement, mais qui n'est pas, ça n'a pas pu passer. Et donc, le festival a lieu ici à Bruxelles le 6, le 7 et le 8 mai. Donc, au plus tard, le rendez-vous est pour ces dates-là, à l'espace Senghor, à Etterbeek. Et toujours à l'espace Senghor, avec la troupe poétique nomade, à l'école des pouvoirs. On est en train de faire un projet qui s'appelle donc, l'école des pouvoirs, qui sont des animations d'écriture avec des adolescents et des enfants. Et donc le 27 février, le 6 mars et le 13 mars sont les prochains rendez-vous pour les animations qui sont plus d'informations et sont disponibles sur www.école-od-pouvoir.com. J'ai une voix délicieuse. tumblr.com. Voilà. Donc on espère vous voir bientôt. Pour le reste, avec Iketnunk, on se retrouve ici et maintenant, non, ici et dans 2 semaines, le 19 février, avec un nouveau sujet qui s'appelle « Apprendre à apprendre, comment éduquer à la créativité ». C'est tout un projet, donc à dans 2 semaines, ici sur Radio Alma 101.9 FM.